millénaire soit le renouveau pour la fierté et la paix retrouvée en Afrique et partout dans le monde. Kinshasa na Brazza, Libreville, Ouagadougou, Abidjan, Debou, Sakiliba, Sakiliba, Sakiliba. Réveillez-vous, Dakar, Malabo, Douala, Yaoundé. Ambiancez-vous, Mada, Mada. Alex au cristal, Sergio José Medagbe. Lomé Kotonouba Mako Konakri, Abidjan Debou, Bazé, Bazé, Bazé, Apollotès. Réveillez-vous, Niamey, Djamena, les gosses pourront bien. Ambiancez-vous, Mada, Mada. Démarche n'a pas changé. Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Amaoulé, Chinchilla, Chinchilla, Amba, Yalela, Sese, Chinchilla, Amba, Yalela, Sese, Chinchilla, Amba, formé en gibier. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'arrêter. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attrapez. Baba cool. La langue est un fusil chargé. C'est vrai. Kader Ndao. Ah, les gambonas étaient. Les gambonas étaient. Les gambonas étaient. Les gambonas étaient. Bébé souris soulé. On est par le fou des chats. 1, 2, 3, 4. Matin, on voit qui est beau.